Il y a quand même plusieurs amateurs de la NCAA au Québec. J'ai fait le saut parce que je pensais qu'on était juste 4-5 au Québec qui suivaient la NCAA, le football. Et non, il y en a plus que ça. Et on va avoir un nouveau chroniqueur cette année. C'est Marc-Olivier Ouellette du site Le Blitz. Donc, un très, très bon site. Il écrit d'ailleurs sur ce site-là, sur la NCAA. Bon midi, Marc-Olivier. Bon midi, Danny. Très content de faire partie de l'équipe de collaborateurs. On est rendu saison. Une quarantaine, quasiment. Plusieurs, là. Ça commence à être pas mal de monde à Metz, comme on pourrait dire. Là. Hey, Marc-Olivier, le Blitz. Je veux que tu parles du Blitz, par commencer, parce que moi, j'ai fait le saut. J'ai vraiment adoré ce site-là, fait par des Québécois. Parle-moi de ce site-là, avant tout. Ben, écoute... Le Blitz, ça fait plusieurs années que ça existe. Moi, je suis comme tout nouveau. Ça fait environ 4 ans que je fais partie de l'équipe. Dans le passé, je faisais partie du site 6 Verges et les Buts, qui est un défunt site. Ah ouais, OK. À l'époque, le Blitz, c'était pas vraiment un compétiteur. On faisait tout simplement des choses de façon différente. Puis, une fois que le site de 6 Verges et les Buts a fermé, j'avais de l'intérêt pour le site du Blitz. Le Blitz avait de l'intérêt à avoir des chroniques hebdomadaires sur la NCAA. Puis, mutuellement, on a décidé de travailler ensemble. De ce que je sais, je pense qu'on est environ une dizaine de collaborateurs. Ouais. Et on parle de tout là, ce qui est NCAA et de la NFL. Malheureusement, puis je sais qu'il y a des gens qui se plaignent de tout ça, on parle pas beaucoup de la Ligue canadienne de football. Ben, j'aimerais ça. Puis ça, j'y ai dit ce matin. Puis il sait très bien, le fondateur. C'est la seule critique que je pourrais dire. On devrait avoir la LCF. Mais il y a des gens qui font pas le lien, qui disent c'est pas une vraie ligue. À partir du moment où tu compares pas, t'aimes les deux ligues. Là. Non, puis je pense que l'une des raisons, puis c'est vraiment personnel l'opinion que je vais émettre ici, étant au Canada, la couverture au niveau de la Ligue canadienne de football est quand même assez présente dans les médias conventionnels comme TSN ou ouais. RDS. Est-ce que c'est quelque chose que le Blitz va décider de parler dans les prochaines années? Qui sait? J'en ai aucune idée. Comme je te dis, moi, je m'occupe du volet de la NCAA. Puis honnêtement, je pourrais même pas parler du football universitaire québécois ou canadien pour la simple et unique raison que je le suis pas tant que ça, puis je sais qu'il y a des plus grands fans que moi, des plus grands connaisseurs que moi là, qui pourraient informer les gens. Ben, à un moment donné, c'est parce qu'à un moment donné, il faut que tu choisisses un petit peu tes... Écoute, ça nous fait tellement de sports à suivre. Dans mon cas, c'est incroyable. Là. C'est le hockey, baseball, football, basket. Fait qu'à un moment donné, tu peux pas tout suivre. Tu peux pas tout aimer non plus. Là. Effectivement. OK. David, pas David, mais Jean, si on parlait un peu du côté des de ce qui de, la première question que j'ai envie de te poser, c'est sur la NCAA et ça se passe à toutes les années. Il y a toujours des histoires concernant la rémunération des joueurs. Toi, t'en penses quoi? Moi, je suis pas le plus syndicaliste qu'il faut, là, mais à quelque part, quand tu signes des contrats de 1 milliard de télévision, 1 milliard de par année de télévision, t'as 100 000 personnes d'un gradin, à un moment donné, là, il devrait avoir une certaine rémunération. Tu es d'accord avec moi? Ben, c'est tellement un sujet de discussion perplexe. Difficile à expliquer, puis les opinions sont souvent vives, un peu comme en politique, d'un ouais. côté ou comme de l'autre. Moi, je te dirais que je regarde la grosse image. Quelque chose qu'il ne faut pas qu'on oublie, c'est que les gros programmes, exemple, si on prend Alabama, on prend ouais. Georgie, ou si on se réfère au basketball comme Duke ou North Carolina, ces équipes-là font en sorte qu'ils... C'est la vache à lait de ces écoles-là. Ça permet à d'autres... Oui. étudiants, athlètes, de performer dans leur sport. Donc, la fille qui décide de faire de la gymnastique, le gars qui veut jouer à la crosse, les autres qui font qui est de la natation, ben, grâce aux athlètes qui jouent au football à Alabama, grâce aux athlètes qui jouent au basketball à Duke, sont en mesure d'avoir des bourses scolaires pour pouvoir aller à ces écoles-là. Donc, ça aide d'autres étudiants à avoir des bourses scolaires. Puis une chose qu'il ne faut pas oublier, c'est que oui, ça reste des gros programmes. Oui, il y a des milliards d'argent qui sont investis dans certaines de ces écoles-là. Une chose qu'il ne faut pas oublier, c'est que la majorité de ces gars-là, une fois que leur 4 ans est fini dans la NCAA, ils n'ont plus de carrière de football. Non. Donc, les gars qui sont intelligents et qui sont payés des bourses d'études vont se chercher d'excellents diplômes académiques qui leur permettront dans le futur d'éventuellement se trouver un emploi dans un domaine qui les intéresse. Donc, est-ce qu'on devrait payer? Je pense que dans l'avenir, c'est quelque chose qu'on va voir, mais il ne faut pas oublier que l'argent que ces athlètes rapportent bénéficie d'autres athlètes qui un jour ne seront pas dans la NFL, qui un jour ne seront pas dans la NBA ou qu'importe le sport. C'est vrai ce que tu dis, puis souvent c'est ça que les gens qui sont contre que les joueurs soient rémunérés nous arrivent avec l'histoire de oui, mais c'est une vache à lait pour les autres, comme il y a quand même plusieurs sports, là, la NCAA, là, il n'y a pas rien que le baseball, le football puis le basket, là, t'as des sports qui sont beaucoup moins populaires, comme la crosse, il y a même de la crosse, il y a même du tennis, il y a toutes sortes de sports. Donc, eux sont pas rémunérés, puis il n'y a pas grand monde. Il n'y a pas grand monde qui les suit. Puis, dans le fond, la raison pourquoi ils sont capables de performer leur sport qu'ils aiment à un niveau supérieur, ben c'est souvent à cause justement des plus gros programmes, exemple les programmes de football ou les programmes de basketball, qui sont, les comme je disais tantôt, les vaches à lait de ces écoles-là, puis leur permet à d'autres athlètes de performer. Ceci dit, on le sait qu'il y a encore plus d'argent qui est engendré. C'est pour ça que je dis que dans le futur, je ne serais pas surpris que les joueurs soient payés, mais encore là, il va falloir qu'il y ait beaucoup de règlements, parce que je trouverais ça plate que la NCAA devienne une ligue où tu achètes à 100% tes championnats, puis qu'à chaque année, tu as toujours les mêmes équipes qui reviennent au... Mais c'est pas mal tout le temps ça pareil. Regarde à Alabama, Ohio State... C'est toujours c'est souvent les mêmes programmes qui reviennent aussi. Moi, ce que je verrais, c'est en fiducie. Mettre des sommes d'argent en fiducie. Oui, c'est comme je te dis, je pense que le futur va faire en sorte que les joueurs vont être payés, puis ça va prendre beaucoup de réglementation, puis je pense qu'avoir de l'argent en fiducie est une option. Oui. Bon, on va y aller avec l'actualité, parce que de la manière qu'on va procéder, on va procéder de la même façon que nos chroniques de la NFL. Ça va être les nouvelles de la semaine plus les matchs à surveiller. Cette semaine, on va laisser faire un peu les matchs, parce que la saison s'ouvre cette semaine. Par contre, c'est des divisions, c'est des matchs quand même, qu'il n'y a pas de grosses universités qui sont en action. La nouvelle de la semaine, ben moi je considère, c'est Urban Meyer qui a été suspendu pour 3 matchs. En raison d'une histoire qui aurait probablement, avec son coordonnateur, qui aurait eu de la violence conjugale avec sa femme, Urban Meyer, qui aurait un petit peu fermé les yeux face à cet événement-là. 3 matchs, comment tu trouves ça? Est-ce que tu trouves ça sévère ou correct, ou ça aurait pu être plus sévère encore? Moi, je pense que ça aurait pu être mieux. OK. Je me réfère à d'autres histoires dans le passé, puis j'essaie pas de comparer de la violence conjugale avec des histoires d'agression sexuelle ou quoi que ce soit. Joe Paterno. Le lien, c'est Joe Paterno. Ou que ce soit Joe Paterno, ou que ce soit avec l'Université de Baylor, où il y avait des histoires d'agression sexuelle sur le campus avec l'entraîneur-chef qui fermait les yeux. L'entraîneur-chef de Baylor qui avait été congédié à l'époque. Puis comme je dis, j'essaie pas de comparer les crimes en tant que tels, j'essaie juste de dire que... personnellement, je trouve que 3 matchs, c'est pas beaucoup. Pas beaucoup, hein. Puis je te dirais que moi, ce qui me dérange le plus, c'est pas tant le 3 matchs de suspension, mais c'est le fait que les enquêteurs qui ont enquêté sur le dossier ont été capables de prouver sans l'ombre d'aucun doute que Urban Meyer était au courant de ce qui se passait dans la maison des Smith. Puis il a décidé de rien dire. Puis une fois arrivé sur le podium après avoir reçu son 3 matchs de suspension, bien. Monsieur Meyer a continué de nier qu'il était au courant, donc continue de mentir sur des faits qu'on est capable de prouver qu'il était au courant. Donc, c'est un peu l'attitude qui me déplaît. En bout de ligne, les 3 matchs de suspension, ça changera probablement pas grand-chose que ça ait été 3 ou 6 matchs. C'est une équipe qui est bien rodée avec de bons entraîneurs adjoints, donc c'est pas vraiment cette partie-là qui me dérange. Puis je te dirais que en ce moment, c'est vraiment ça. Là. J'écoute des lignes ouvertes aux États-Unis. Je lis sur des sites, puis c'est vraiment ça qui dérange les gens. C'est le fait que on continue à nier quelque chose qu'on est capable de prouver. J'écoutais sur ESPN, je disais sur ESPN, ce qu'on dit sur ESPN, c'est qu'Urban Meyer semble pas conscient de tout ce qui se passe. Ça me fait penser à Joe Paterno, beaucoup, beaucoup à l'histoire de Joe Paterno. Oui, à une différente échelle. Oui. Ouais. Mais encore là, comme que je disais, il y a des enquêteurs qui ont fait de la NCAA, qui ont fait une enquête, puis qui ont été capables dans leur rapport, je pense, d'un rapport de 25 pages, de prouver que M. Meyer est au courant de certains comportements, puis certaines actions, puis qu'il y avait des enquêtes policières en cours, puis qu'il a décidé quand même de fermer les yeux. Puis en bout de ligne, ce que je trouve quand même intéressant, c'est que l'Université d'Ohio State décide de un peu fermer les yeux là-dessus. Donc, est-ce que ça va influencer le nom de Ohio State? Est-ce que ça va influencer leur prestige? L'avenir va nous le dire. On disait ça de Penn State, puis Penn State, ils sont allés chez Bill O'Brien. Puis à quelque part, il a quand même bien relevé le programme, là. Ah, tout à fait. Puis, Capaterno, elle est partie. Exactement. Au moment de. Les situations étaient un peu différentes parce que M. Paterno était rendu un ange près de la retraite puis quelques mois plus tard, malheureusement pour lui, il est décédé. Ouais. Mais c'est ça. Pour ce qui est de Ohio State, on va voir. L'avenir nous dira. Comme je vous dis, moi, c'est pas tant le 3 matchs qui me dérange, c'est surtout le fait qu'on continue à nier les allégations. Puis regarde, si l'Université d'Ohio State est capable de vivre avec ça, tant mieux pour eux. L'avenir nous dira si c'était une bonne décision ou pas. OK, on va y aller maintenant avec les power rankings de début de saison. Là, je suis sur le site de ESPN qui y va avec... qui présente les top 25 de Associated Press et également Coach Paul. Mais on va y aller avec celui d'Associated Press, quoi que ça se ressemble pas mal. Associated Press dans les 25 premiers classes. Alabama, premier. Clemson, deuxième. Georgia, troisième. Wisconsin et Ohio State. Es-tu d'accord avec ça? Je te dirais que moi, personnellement, je vois Clemson beaucoup, beaucoup, beaucoup plus gros. Je pense qu'avec ils ont une défensive complètement monstrueuse cette année. Si vous allez sur le site du Blitz NFL, j'ai sorti mon top 50 des meilleurs espoirs pour le prochain repêchage de la NFL en 2019. Puis, il y a quelqu'un qui me faisait remarquer justement ce matin que dans mon top 25, j'ai 5 joueurs de Clemson. Ça en dit beaucoup sur l'école. Moi, je pense que juste avec la défensive qu'ils ont, ils sont capables de rester numéro un. Mais Alabama sont les champions en titre. Ils ramènent beaucoup de vétérans. Donc, je te dirais que c'est peut-être... C'est eux, Clemson, qui auraient eu des joueurs en défensive qui auraient été choisis en première ronde cette année. Puis, ils ont décidé de revenir, les joueurs. C'est eux, hein? Exactement. Puis, ce qui est encore plus intéressant avec Clemson, c'est au poste de corps arrière. Pour l'instant, le corps arrière partant est Kelly Bryant. Okay. On le connaît, il a joué avec l'école l'an passé, mais ils ont signé Trevor Lawrence. Puis Trevor Lawrence, c'est le meilleur joueur des deux dernières années à sortir du high school. Il a battu tous les records d'État de la Géorgie que possédait Deshaun Watson. Ooh. Un ancien Clemson, puis maintenant avec les Texans de Houston. On dit que c'est un talent générationnel, que Taylor Lawrence est le futur au poste de corps arrière. Puis on parle pas d'un corps arrière mobile, c'est un corps arrière classique qui est capable de lancer des bombes de la pochette protectrice. Donc, ça va être vraiment intéressant de voir la dynamique. Si Kelly Bryant a des difficultés en début de saison, moi, je serais pas surpris de voir les vétérans puis l'instructeur-chef dire, regarde, on a probablement le meilleur jeune joueur de football aux États-Unis en ce moment. On devrait lui donner une chance, on le lance dans la mêlée, puis... moi, mes aspirations envers Clemson sont très, très hautes. OK. Du côté d'Alabama, il y avait un carrière. On a décidé d'y aller avec un jeune carrière. Oui, dans le fond, quand... Carrière gaucher, par là-dessus. Comme qu'on se rappelle, lors du dernier match de la saison, l'an dernier, Alabama a décidé de faire un changement assez radical à la mi-temps, puis de changer de corps arrière, puis de lancer dans la mêlée Tua Tagovailoa. Ouais, qui vient de Hawaï, donc ça explique un peu son nom. Pour l'instant, on ne sait pas trop qui va être le partant. De ce qu'on se dit, probablement que les deux corps arrière devraient avoir leur chance de performer lors du premier match. Moi, avec qu'est-ce que j'ai vu de Tagalog, je serais vraiment pas surpris qu'il soit partant la semaine 2. Le gars est beaucoup trop talentueux pour être sur le banc, puis c'est probablement le meilleur corps arrière que coach Nick Saban n'a jamais eu sous sa gouverne. Donc, c'est une question de temps, selon moi, avant qu'ils prennent la gouverne de cette équipe-là. Georgia, Wisconsin et Ohio State suivent, selon Associated Press. Ce que j'en remarque, c'est les deux divisions, le Big Ten et le SEC qui dominent jusqu'à maintenant les cinq premiers. Oui, puis j'ai une chronique qui va sortir la semaine prochaine encore une fois sur le Blitz NFL. Ça fait longtemps qu'on parle de la SEC avec Alabama, Auburn, LSU comme étant la grosse conférence, la grosse division dans le college football. Cette année, sans l'ombre d'un doute, l'action va être dans la Big Ten West avec Ohio State, Michigan, Michigan State, Penn State. On parle de quatre équipes ici qui pourraient facilement atteindre. Au moins une de ces équipes-là devrait atteindre les séries à la fin de la saison. Il y a du talent à en revendre dans ces équipes-là. Quand je pense à Michigan, ils ont probablement une, sinon la meilleure défensive au pays. Ohio State, c'est une équipe qui est extrêmement bien rodée. J'en parlais plus tôt, que ce soit en offensive ou en défensive. Même chose avec Michigan State, puis Penn State. Les deux équipes ramènent beaucoup de vétérans avec des corps arrière qui ont de l'expérience, des corps arrière qui gagnent la majorité de leurs matchs. Donc, ça va probablement être la division la plus intéressante à suivre cette année. Puis, comme je vais le mentionner dans ma chronique, si vous êtes un fan de Rutgers, Indiana ou Maryland, ben, ça risque d'être une longue saison pour vous parce que les quatre autres équipes sont extrêmement bonnes. Qu'est-ce qui se passe avec Nebraska? Nebraska, qui a été longtemps dans les top 10, on sait qu'ils ont changé de division. Ils n'ont pas toujours été dans le Big Ten. Beaucoup de difficultés à recruter, quoi. Exactement. Je te dirais que quand tu regardes la carte, une map des États-Unis, puis les programmes qui fonctionnent bien, c'est souvent dans le sud-est, c'est souvent sur la côte est, puis tu as les programmes classiques dans le Midwest. Comme Michigan, Ohio State, tout ça. Je te dirais que Nebraska, leur problème, c'est vraiment le fait qu'ils sont situés au plein centre des États-Unis. Par contre, pour ceux qui se rappellent, l'entraîneur-chef des Knights de UCF, qui ont connu une saison parfaite l'an dernier, est maintenant l'instructeur-chef de Nebraska, Scott Frost. Donc, je pense que les étoiles sont alignées pour que Nebraska éventuellement redevienne une des grosses équipes au pays. Je pense qu'avec l'émergence, comme j'expliquais, de la Big Ten East, qui va être la meilleure division du college football cette année, je ne serais pas surpris de voir des talents dire « ben nous, on aimerait ça aller jouer à Nebraska ou à Iowa ou Wisconsin ». Donc, ça, d'après moi, c'est une question de quelques années avant là, que Nebraska redevienne un programme dominant. OK. Ben, c'est très intéressant, les gens. Là, on a parlé pas mal des cinq premiers. On va se reparler la semaine prochaine. La semaine prochaine, ça va prendre plus son envol. Je pense qu'il y a trois matchs ou quatre matchs cette semaine. Puis, il n'y a pas des grosses universités. Je te dirais que les deux plus grosses universités que les gens vont reconnaître, c'est l'Université de Wyoming, où est-ce que... Ils jouent contre New Mexico. Ils jouent contre New Mexico, puis tu as l'Université de Colorado State, où c'est qu'ils jouent. Donc, c'est vraiment comme l'appel la semaine zéro. Vraiment, juste pour se mettre l'eau à la bouche, mais malheureusement, il n'y a aucun match de présenté sur nos écrans ici au Canada. Donc, si vous trouvez un site web qui offre les matchs, tant mieux pour vous. Ben moi, je suis abonné à NCAA, puis je l'ai. OK. NCAA sur Bell, ils ont un forfait Bell qui présente des matchs, un forfait même genre que le Sunday Ticket, c'est également la NHL, puis c'est la NCAA, puis j'ai essayé ces matchs-là. Donc les gens qui peuvent le capter, c'est sur ESPN aussi, donc ça va être très très facile. On s'en reparle la semaine prochaine! Parfait! Avec les matchs de la semaine et l'actualité. Donc voilà, c'était la première chronique de la NCAA.